Papoterie, un podcast retour sur la vie. Bonjour Brigitte. Bonjour à vous deux. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter comme vous voulez en quelques mots? Mon vrai nom c'est Brigitte Niquez, mais quand je colle ou quand je crée, je m'appelle Brittany Caïs. Épisode 1, Brigitte. C'est votre nom d'artiste du coup? Voilà, il y a une distance entre les deux identités. Pourquoi vous avez décidé de prendre un nom d'artiste? Parce que ce que je crée, c'est un autre univers que le quotidien et que c'est justement pour ne pas être dans le quotidien, la répétition, la banalité, que je m'évade ou je me projette dans le collage. Donc il me fallait un nom, voilà, que j'ai trouvé assez facilement. Brigitte Niquez ne crée pas. Elle donne sa plume, quand elle écrit, parce que j'écris quand même beaucoup, à Brittany Caïs. Okay. Voilà. Et sur Instagram, c'est aussi là que je poste beaucoup, où je poétise beaucoup également. Et voilà, donc c'est Brittany Caïs qui a la parole. Parce que c'est celle que je veux être. La Brigitte Niquez, c'est plutôt une construction de famille. Et je dois dire que c'est pas le lieu où je me sens le mieux. Et ça a commencé quand, du coup, le collage? Enfant. Ah oui? Oui, très tôt. Abandonné par la suite. Et après, c'est venu d'un constat. J'aimais dessiner, mais je ne maîtrisais pas bien le dessin. Donc, coller, c'est facile. Les magazines, il y en a énormément. Et donc, ma non-maîtrise du dessin m'a menée vers le collage. Mmh. Ensuite, le mettre en couleur, avec des pastels, avec des aquarelles, avec aussi d'autres supports, quoi. Vous diriez que vous avez choisi le collage du fait que c'était un matériel que les magazines que vous aviez un peu à disposition et que c'était un peu plus simple d'accès que, par exemple, d'autres forme d'art ou... Non, je dirais plus justement que ça me correspondait. J'avais envie de créer ou de dire quelque chose et n'ayant pas des maîtrises de base de dessin, j'ai tout testé, hein, le dessin, la sculpture, le modelage. Mais voilà, et là, c'est un mode d'expression qui se range facilement, qui peut se pratiquer à la maison. Voilà, vous avez vu comment ça se passe chez Canopy, hein, il faut une base de matériel. Et puis après, les gens s'évadent assez facilement, je trouve. Oui. Et est-ce que vous avez débuté, du coup, enfant, un peu comme ça, en triturant? Et plus vous avez grandi, vous avez dit que vous avez abandonné un moment le collage, c'est ça? Oui, parce que pour moi, le collage, c'est quand même une quête de sens dissimulée. C'est une façon de dire et de laisser voir sans forcément avoir à commenter. Donc moi, il y a toute mon histoire, il y a mes difficultés, mes douleurs, beaucoup dans mes collages. Et j'ai aussi un autre support qui est l'écriture, la poésie aussi beaucoup. Mais pour moi, c'était une façon d'exprimer une quête de sens. Et puis, comment on emplit un vide de début de vie. Comment finalement on le nourrit petit à petit par le travail sur le corps, le travail sur soi beaucoup. Et puis après, c'est venu vers moi tout seul, on va dire. Et est-ce que vous avez eu des sources d'inspiration d'autres artistes qui vous ont un peu nourri ou qui vous ont inspiré, qui vous ont permis de, je sais pas, oser d'autres techniques, par exemple rajouter de la peinture sur du collage, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste du collage, mais je ne pensais pas qu'on pouvait aussi se permettre cette liberté-là. Ah oui, le collage, c'est vraiment la liberté de tout. Vous pouvez, moi, j'ai un collage où il y a des nuages, c'est du coton. Donc, il y a une grande liberté des moyens d'expression. On est devant une feuille, on a des magazines, parfois on a aussi des textes qui nous correspondent très très bien. Et on va jusqu'au bout de quelque chose qu'on a envie d'exprimer. Pour moi, en tout cas, pour mieux répondre à votre question ou à ta question, moi, j'ai pas cherché de modèle. J'ai plutôt eu un thème assez unique, finalement, quand je regarde mes collages. C'est les femmes artistes. Donc, j'ai été beaucoup inspirée par des femmes artistes. Et encore aujourd'hui, avec certaines des expositions qu'on a faites récemment, les femmes dans l'art, qui a été une expo très réussie là au Luxembourg, il y a très peu. Mais quelques temps. Voilà, la femme et la place. Voilà, trouver sa place. Au fur et à mesure des visites, vous vous êtes quand même créé un bon panel de connaissances en termes d'histoire de l'art, etc. Et si vous aviez la possibilité de collaborer avec un artiste, et ça serait qui? Il y en a une qui est morte, hein, c'est Tamara Lampicka. Il y en a une qui est vivante, mais dont le nom Abramovitch. Marina Abramovitch. Vous la connaissez ? Ouais. Hein ? Elle est super. Alors, vous voyez, sa violence, enfin, c'est ouais. extrême, mais elle est fantastique. Hein. Et puis, elle a créé une école. Moi, j'aime aussi beaucoup Isadora Duncan. Moi, j'ai toute l'historique de sa vie, de ses extravagances et de son école, les Isadorables, qui sont son école. Donc, vous voyez, c'est un peu des muses pour moi. Hein. Mais c'est des femmes qui sont toujours assez extravagantes, assez pulsionnelles. Mais oui, c'est ça, quoi. Dans l'écriture, ça pourrait être George Sand. Oui, ça, c'est quand même des choses très, très vivantes. Ouais. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Pourquoi vous aviez eu envie d'animer des ateliers à Canopy et partager votre savoir-faire ? C'est né d'une grande frustration à la base. C'est que j'ai rencontré pour la première fois Marilyn parce que j'avais envie d'exposer ici, moi. Ok. Oui, mais Marilyn ne me l'a jamais proposé. D'accord. Donc il a fallu que je déguise mon envie en une curiosité et que je lui confie aussi à elle en premier, à Angèle, on va dire la palette artistique que je pouvais proposer ici. Et il y a encore des terrains que je souhaite à l'avenir développer avec Canopy. Ça serait quoi les choses que vous auriez envie de développer à Canopy ? Moi, j'aime bien travailler corps, voix, parole, et j'aime beaucoup travailler sur les émotions et les pensées. Mais j'y ai pensé, j'ai déjà rédigé quelque chose qui est un atelier où il y aurait plusieurs étapes. Par exemple, au moins un parcours de trois ateliers, et avec l'envie que les gens viennent aux trois, par un chemin. D'accord, le premier, ce serait de travailler aussi sur le corps, avec les moyens dont les gens disposent, et puis avec ceux que moi j'ai connus par les nombreuses formations que j'ai faites. Après, un travail très important dans ma vie personnelle, ça a été de travailler sur les émotions, comment on les reconnaît déjà, comment elles se manifestent, et puis comment on peut, j'allais dire, les transformer, ou en tout cas les gérer. Pas les étouffer, les gérer, et pourquoi pas l'art. Je suis une sportive à la base, parce que j'ai toujours pensé que le corps solide, la base solide, l'ancrage, la danse, c'est un très bon démarrage pour construire son identité et sa personnalité. Et le troisième atelier, ce serait le plus délicat, c'est de travailler sur les pensées, notamment sur les pensées qui sont limitantes, sur les croyances qui sont limitantes. Donc moi, pour ça, j'ai fait un cursus personnel qu'après j'ai emmené dans mes formations, mais où vraiment, il y a vraiment un cheminement de dire qu'est-ce qui est une situation déclencheur, qui amène une émotion. À ce moment-là, je me dis quelque chose, c'est une pensée automatique. Je vais me dire, oh là là, ça me fait peur. Oui, mais alors une fois que j'ai peur, qu'est-ce que je fais de ça ? Donc il faut trouver un antidote. Je vais me dire, Brigitte, respire, reste zen. Et ensuite, d'ouvrir la porte du qu'est-ce que je pourrais me dire d'autre, comment je pourrais me comporter différemment et comment mon émotion, je peux l'accepter pour qu'elle puisse migrer vers autre chose. La peur peut migrer vers quoi ? La peur, elle peut évoluer sur une espèce de soulagement parce que je partage la peur, par exemple. Est-ce que si je la tue à l'intérieur, c'est moi qu'elle détruit ? Voilà, donc c'est un atelier qui est en germe, on va dire, mais qui peut être un très beau parcours. Moi, ça me permet aussi de mettre tout... Moi, le savoir, pour moi, c'est important. L'apprentissage, c'est important. Donc, toutes les formations que j'ai pu faire, un jour, elles m'ont mené à être consultante et formatrice. Et aujourd'hui, elles peuvent me servir à... Ça s'appellera ma petite boîte à bijoux personnels. C'est-à-dire, il y a ce que j'ai, ce que les gens ont, et... Comment on peut aller un peu plus loin ? Vous disiez quoi ? Vous étiez consultante formatrice avant, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça correspond à quoi ? C'est des interventions en entreprise, en groupe, sur des thèmes qui touchent la relation client, la gestion de soi, c'est-à-dire face à des comportements ou des discours de clients particulièrement malveillants ou grossiers. Voilà, comment je vais retrouver rapidement mon calme, recentrer, revenir au débat, poser des limites, dire stop. Moi, je pense que c'est aujourd'hui, c'est sûrement des thèmes qui restent encore d'actualité. D'ailleurs, on le voit dans les ateliers théâtre aussi, c'est vrai, vous proposez aussi ça. À partir du moment où on exprime une émotion, elle ne s'imprime pas. Voilà, parce que tout ce qui s'imprime prend de la place. Et donc, même au niveau digestif, même au niveau de la peau, même au niveau de tout ça, eh bien, elle empêche un élan de vie. Non, je ne sais pas si je suis... Exactement ce que vous vouliez dire. Moi, j'ai toujours prôné le fait de, justement, d'exprimer ses émotions, parce que c'est comme si tu mettais de l'eau dans un vase, sauf qu'à un moment, le vase, il déborde et ça a des conséquences, tu vois. Donc, c'est toujours plus sain d'exprimer les émotions et d'en parler. Ce que tu viens de dire, c'est intéressant, mais moi, j'ai aussi pris l'outil de la communication non-violente, la CNV, parce que si je te dis « Ah putain, tu me fais chier », tu vois, ça, c'est pas du tout une façon élégante, et pour l'autre, c'est une vraie agression, d'accord ? Donc, comment je vais dire ? Je dirais, écoute, là, par rapport à ce qui se passe, je sais pas trop, quoi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à plus de calme, ou à un ton de relation, qu'on reste en relation, on n'est pas l'un contre l'autre. Vous voyez, d'avoir des méthodes, grâce à la CNV, qui permettent de rester en relation, même si j'ai à dire que j'ai de la peine, que j'ai du chagrin, que tu m'as contrariée, que... Voilà. Apprendre à dire dans la non-violence. Et est-ce que, du coup, le collage, c'est un peu un moyen non-violent de, justement, décharger aussi... toutes les pensées violentes qu'on ne peut pas dire ou qu'on a du mal à exprimer, qui peut un peu être un défouloir émotionnel. Oui, ça peut être vu comme ça. Ok. Ah oui. En tout cas, c'est la liberté qui est donnée aux gens. Et notamment dans le dernier atelier, voilà, moi j'ai proposé d'aller plus loin sur le fait de dire, voilà, c'est quoi parler de soi vraiment. Parce qu'avant de parler de soi, on contourne un peu mille chemins de petits poussets. Et puis, il faut être en confiance, je crois. Mais la CNV, c'est vraiment une clé. C'est pas évident du tout. Par exemple, de dire je me sens contrariée ou je suis contrariée, c'est pas tu m'énerves ou tu me contraries. Le tu qui tue. Et après, de faire des demandes aussi. C'est de dire ce que je souhaiterais, c'est qu'on reste en relation et qu'on puisse, même si on n'est pas d'accord, je puisse t'écouter, que tu puisses m'entendre. Donc, c'est une vraie... Et au niveau du corps, vous voyez, peut-être là ça se voit pas, mais quand je vous parle aussi, ça donne un corps qui parle différemment. Vous voyez, les mains qui vont vers l'eau, ma posture, ma respiration. Ça, c'est ma grande clé générale. Ouais. Papoterie, un podcast retour sur la vie. Vous disiez que vous étiez sportive. Vous faites quoi comme sport ? Le sport dans lequel je me suis le plus exprimée, c'est dans l'athlétisme. Au départ, et toujours plutôt dans le sport individuel, où on sollicite ses propres ressources, et où le coaching peut nous aider à prendre conscience d'une meilleure performance globale. Et puis, c'est tout un travail d'hygiène alimentaire, c'est tout un travail d'entraînement. Et je pense qu'il faut de la discipline. Dans le désordre, il faut toujours une discipline, et même dans le collage, il faut une discipline. Vous êtes chez les Pierrettes ? Oui, c'est ça. Vous êtes rentrée quand dans ce collectif ? Je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette association. Une association ? Je me suis rentrée quand elles sont venues se présenter chez Canopy. Ah, ok. Toujours est-il que les Pierrettes ont fait ici une démonstration avec la personne qui nous enseigne, Stéphanie. Et moi, je me suis dit, yes, c'est ça. Voilà, donc, ça reste un travail, ça reste quelque chose d'excellemment adapté. Pour chacune, avec une personne comme Stéphanie qui sait vraiment offrir, conseiller, qui ramène un travail de prise de conscience du corps qui, à l'âge des Pierrettes, hein, qui sont quand même entre une soixantaine et presque 80 ans ou plus, hein, prendre soin de son corps, faire les mouvements qui correspondent à un corps et à ses douleurs. Moi, j'ai appris à chuter, à tomber avec Stéphanie. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas tomber au sol sans me faire mal. Donc, je ne sais pas, je partais un peu de trop haut. J'ai l'impression que je pouvais faire des roulés-boulés. C'était faux, je me faisais toujours mal aux hanches. Donc là, elle m'a appris à décomposer un mouvement et à aborder le sol avec les mains. Et puis, petit à petit, à glisser le corps. Ça a été vraiment un très bel apprentissage. Et là, vous considérez que c'est un sport individuel ou collectif, du coup, avec les Pierrettes ? C'est pas un sport. C'est pas un sport ? Non, c'est de la danse. Hein. Donc, pour moi, c'est une expression c'est une expression corporelle, voilà. C'est un mode d'expression corporelle qui est suggéré par Stéphanie avec ses consignes. Et avant d'arriver au travail de présentation qu'on peut faire tous les ans, ça reste avant tout un travail individuel. Et de grand respect de l'autre, quoi. Chaque Pierrette a sa place. Chaque période a sa limite. Voilà. Vous savez pourquoi ça s'appelle les pierrettes ? Non, j'ai horreur de ce nom. Moi, je préfère l'autre nom qui s'appelle les éclaboussés. Ah oui, les éclaboussés, ouais. Et je trouve ce nom particulièrement sensible, justement, sur le fait d'éclabousser ou de s'éclabousser. Mais j'aime pas du tout le nom des pierrettes. Pierrettes dans la rue, je crois qu'elles s'appellent. Il y a des pierrettes dans le groupe, mais je pense pas que ça vienne de là. Je préfère éclabousser. Ok, bah, ouais. Ce sera les éclaboussés. La poésie des mots, moi, je suis sensible au fait, même quand je vous parle ou quand je parle aux gens, même dans l'atelier ou partout, pas partout, non, mais le plus souvent, je suis très attentive à sur quel ton je parle et quels mots, parce qu'il y a des mots qui sont doux, il y a des mots qui sont plus durs, donc d'avoir une cohérence pour aborder la relation à l'autre. Je me souviens que c'était à l'exposition au musée de l'art romantique, là, Aimer rompre. Vous étiez hyper attentive à la ponctuation et au fait que j'avais l'impression que ça avait un réel autre sens pour vous, si jamais c'était un point ou une virgule. Je trouvais ça hyper intéressant de voir cette sensibilité-là. Une affiche, c'était marqué aimer, point, rompre, ok. Et l'autre, c'était aimer, virgule, rompre. Et pour moi, oui, là, c'est comme les points de suspension, c'est comme les parenthèses, hein, tout ça parle. Donc, la virgule, pour moi, c'est impossible. Le point, c'est une rupture. D'accord. Même en lettres, on apprend ça. Le fait de mettre une virgule, ça sous-entend que, tu vois, c'est la prochaine étape. Alors que, tu vois, de mettre le point, bah, effectivement, ça peut être aimer, rompre. Mais, tu vois, c'est pas forcément lié, tu vois. Aimer, rompre. Tu donnes aussi un sens au verbe aimer, c'est qu'il y a toujours une rupture. Enfin, il y a souvent une rupture. En tout cas, l'amour évolue, donc de l'amour-passion à l'amour qu'on construit avec le temps, avec l'écoute de l'autre, il y a un sacré chemin. Hein. C'était Papoterie, un podcast retour sur la vie à l'espace Canopy.